très heureux de vous voir. Ben, de vous entendre. Je vous vois pas, mais je vous entends. Ah, c'est pas encore lui, le malade. C'est le malade. Fermez la télé. Pas télé, c'est arrête. Fermez, arrête. Fermez quelque chose. Fermez tout. Ben oui, sortez. À l'extérieur de vos bureaux, de votre bureau, sous votre bureau. Voyons, là, t'es-tu sous ton bureau, toi? Non, moi, je suis sous ma chaise. Comme toutes les émissions, c'est ma chaise électrique préférée, branchée sur le 350. Ça se peut pas. 350, pas d'extra. Oh! Attention, la chance va tourner. Non, va s'électrocuter. La chance va s'électrocuter. Oui, vous savez que je travaille avec... heureux de vous voir. Ben, de vous entendre. On recommence. Heureux. Très heureux. Je sais pas pourquoi, je suis un imbécile heureux, moi. Toujours heureux. Ça va, mon Raymond? Ah oui, moi, je suis heureux. Money, j'ai plus de money, mais money, je te le dis, ça va bien aller. Money, pause. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est encore restée. Et j'avais déjà préparé mon maïs soufflé, mon beurre chaud, et puis mes quelques bières dans le frigo. Quand cette satanée pause me divulgua quelques heures avant. Ah non, mais écoute bien, moi, je vais rester, là. Il y a les enfants. Il y a le poisson rouge, hein, puis il y a mon petit chaton. Elle était bien gentille, mon épouse, de m'appeler mon chaton. Non, l'autre chat, là, le celui qui fait pas de poêle. Oh, mon dos, ouais. Moi, mais les enfants ont 26 puis 29 ans. Ouais, mais ils ont toujours besoin de leur mère, hein. Mais t'es-tu malade, toi, là? Arrête de te penser utile à la société. Ça fait avec des années que je t'ai dit, t'es une maladresse sociétale, hein? Moi, j'ai dit ça, toi, une adresse sociétale. J'ai pas dit une adresse. J'ai dit, tu es une maladresse sociétale. Une maladresse, ça veut dire une mauvaise adresse? Ça? Non. Une maladresse, ça, c'est quoi, être maladroit? Maladroit? Il y avait maladroit Gobet hier à l'école avec moi, maternelle, qui piquait mon pinceau. Ton pinceau. Ah, mon dieu. Et oui, je travaille avec la clientèle. Écoutez, c'est pas parce qu'on est dans un autre quartier que l'intelligence suit le tout, hein? Alors, il y a quelqu'un qui arrive d'un coin un peu comme Caraquette, avec l'accent caraquettois. Caraquette, mes amis de Caraquette. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, on vous embrasse. Vous êtes merveilleux, on vous aime. Mais il y en a deux que vous avez laissé partir là, sans leur dire qu'à Québec, là, c'est pas n'importe quoi, là. Hein? Alors, il pénètre dans mon établissement. Vous savez que je travaille dans un sauna sadomaso. Et là, ils avaient perdu leur chemin, comme on est des soldats ouverts 24 heures, pour hétéro, gay, transgenre, à la recherche de leur genre, gentil, style comme, là, les calettes à l'envers. Nos préférés, ça. Parce que ça donne de l'argent. En sauna noir ou en bouteille vide? Ben là, écoutez, c'est un sauna qui se respecte, là, en argent. En argent, chèque ou en argent? Non, en argent liquide. Oh, ben ça coule pas dans mes poches, moi, là. Mais si je vais dans ton sauna, ça va couler. Non. On veut l'argent avant. On veut voir la couleur de l'argent. Oh, la couleur, comme disait... j'ai écouté, moi, Guérance Manarnienne, assez connerée. En tout cas, Radio Terre, ça, sur la Terre, la radio sur la Terre, là. C'est... On va s'envoler. Excusez-moi. Radio, comme... voyons dans le personnage. Radio sur la Terre, Terre comme RL... RL, la Terre qui s'envole, c'est quoi? C'est qui est la plus belle radio communautaire francophone dans le monde, là. 52. M'entendez-vous, c'est quoi RL? Elle a l'oreille universelle, elle aussi. Mais, j'ai entendu un fou du. Un ginga. En tout cas, je connais pas les mots, là, parce que j'ai une calotte à l'envers. guignol, c'est quoi RL? C'est quoi RL? C'est ça, c'est quoi RL? Il disait que Jacques Babel disait « L'odeur n'a pas d'odeur, mais l'odeur nous monte au nez. » C'est pas ça du tout, c'est pas du tout. Non, c'est « L'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous monte au nez. » Oh, c'est ça. Alors, s'il n'y a pas d'odeur, là, votre argent, on va l'avoir après le sauna. Faites-moi passer le sauna. Non. Pas de sauna, pas d'argent. Ah, mais voyons donc, toi, mon imbécile. Ben non, je suis pas un imbécile, moi, là. Je suis un gars d'affaires. En tout cas, pendant ce temps-là, arrive un guignol, en fait, un perdu dans l'espace, qui pénètre en me disant monsieur, ben avec l'accent de caricature, là, monsieur, je suis pas très bon dans l'accent caricatois. Mais... Il dit, je cherche la rue Chanel. Chanel, m'interroge-je. Chanel, tu parles là, de la femme Chanel, là, de la dame de grande mode, là, de la grande virée de la mode des années 20, là. Chanel, la styliste, là. Chanel, la femme qui a révolutionné la femme, le nouveau look de la femme. Oui, non, c'est la rue Chanel. Non, oui, mais Chanel. Là, j'ai dit, bon, OK, là, j'ai affaire à un prolétaire moyen, moins que moyen. Oui, Chanel numéro 5, là, comme le parfum Chanel. Ah oh, oui, c'est ça, Chanel numéro 5. Je connais aucune rue qui s'appelle Chanel. Ni une rue, ni une avenue. Rien à Québec se prénomme ou se nomme Chanel. Je dis, comment, tu connais ta ville? Ben, je connais ma ville. Rénal Gagné, moi, là. Rénal Gagné. R-A-Y-N-A-L-D, Q-U-E-B-C, à commencer à l'amour.com, Rénal Québec. Écrivez-moi. Il se demandait ce que vous voulez, ce que souhaitait. Oh, je voudrais bien avoir des courriels. Ah ouais, quand même. Et puis, écrivez-moi, vous allez voir. Je connais toutes les rues. Là, il dit, attends un peu. Là, il sort, il s'en va voir sa charmante épouse, Graziella, 600 livres d'amour. Là, elle rentre à l'intérieur. Eh, mais non, c'est pas Chanel, c'est Shannon. Je dis, on est loin. Pas la même chose, monsieur, là. Shannon pis Chanel, là, c'est... moi, tu sais les rues. Ben oui, tu sais les rues. C'est pas une rue. C'est un village, c'est une petite ville. C'est comme Courville, c'est comme Valleyfield, c'est comme Val-d'Or. C'est des coins de la ville. C'est de la quoi? C'est la Queen. La Gwyn. C'est ça, là. C'est Shannon. C'est pas compliqué, Shannon, là. Dans le coin de Val-Cartier, Shannon, là. Fait que là, tu continues. Tu continues, prépuce tout droit, tu ne tournes pas. Tu vas voir aucune indication. Et au fond, il y a un mur en béton. Je te conseille de partir rapidement pour t'effoirer dedans. Hey, ça va pas voter, ce monde-là, là. Alors, j'en parlais à mon médecin. Est-ce qu'on peut l'appeler? Ben oui, mais hey, sais-tu, mon petit Gaétan? Qu'il est minuit 13. On peut pas réveiller un médecin à minuit 13. On va le réveiller. Ouais. On peut-tu le faire sur le champ? Ben là, attendez, là, on sait pas ce qui se passe. OK. Là, est-ce qu'on le réveille? Ben là, on verra, là. Non, je suis pas en train de vomir mon 2 heures, c'est que je m'informe. Là. Si mes coordinateurs ont coordonné la discussion avec le médecin, on l'a en ligne. Ligne, deux lignes, première ligne. Je me fous de la ligne. Il est drôle, lui. Hey, Raymond, là, on est en direct à CKRL. Là. On fait l'émission Errance canadienne avec mon grand ami, il n'aime pas ça quand Nicolas, il dit, hey, garde là. Incognito, moi, je me suis rendu sur la rue des Abbesses parce qu'il y avait un petit café gratis, puis il faisait beau, puis on voyait passer les petites filles, puis c'était intéressant. Puis... Pas parce que t'es un gars, ton émission est numéro 1, là! T'es un malade, toi! Okay. Et puis, ouais, c'est ça, mon angle mort à moi, là, monsieur le doc, là, est pas mal trop vivant. Est-ce que c'est normal? C'est normal, ça? Là, on vous réveille, je crois bien, là. En fait, c'est pas mon idée, hein. C'est l'idée de Gaétane, là. Elle a toujours des affaires de même. Mais là, elle se dit, oh, ça serait peut-être une bonne solution. Puis pas vraiment, dans le fond. Et ici, fond, fondamentalement, non, hein. Mais là, mon problème d'angle mort, là, faut le dire, là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut me déranger dans ma vie de jeune adulte? Pourquoi? Pour moi, le mort est plus vivant que mort. C'est psychologique, ça, monsieur? Hein? Mais quand c'est psychologique, comment on fait pour que ça soit psychologique? Faut-tu rencontrer un psychiatre ou un psychologue? Dans les deux cas, un, on paye pas, puis l'autre, on paye. Il y en a un qui donne des pilules, puis un donne des conseils. Moi, je serais plus proche de la peluche. C'est moins difficile que faire de prendre des conseils et de les suivre. Ces pelules-là, c'est-tu gratis, ça, là? Ça peut-tu être intéressant pour une vie meilleure? Ça peut-tu nous amener... Excusez-moi, monsieur, je me rallonge sur mon sofa, là. C'est juste Freud qui a mis le sofa, hein? Puis le sofa, c'est pas les ridicules, ça, là? Ouais. Êtes-vous aussi psychanalyste, vous? Puis-tu déjà commencé mon cours? On appelle ça une session, hein? Comme à l'université, hein? Comme au cégep, hein? Y a-tu d'autres endroits dans la vie que l'on peut appeler une session? Ah, c'est vrai, une session d'enregistrement. Non, c'est en anglais, ça, hein? Hey, pouvez-vous faire le psychanalyste pendant 2-3 secondes? OK. Pourquoi je vis, monsieur le docteur? Non, ça commence à être profond, là, hein? Mais là, je me demande, là, cette profondeur-là, c'est comme l'eau du puits. Monsieur Dupuis, l'eau du puits, vous connaissez ça, monsieur Dupuis, l'eau du puits, vous êtes un monsieur Dupuis, donc le puits, vous savez ce que c'est. Quand on dit que le puits est asséché, ça veut dire que le puits n'a plus d'eau. Quand le puits n'a plus d'eau, ça veut dire qu'on ne peut plus s'abreuver. C'est là que la tragédie rénaldienne arrive. Quand on ne peut plus s'abreuver, ça veut dire qu'on peut mourir de soif. C'est bon, c'est bon. Puis si on meurt de soif, on peut comme plus respirer. Excellent, excellent. Merci. Merci à l'Acteur Studio, à Didier Lockwood qui m'a appris les intonations digitales, à Raymond DeVos qui m'a appris la capacité à ne pas faire rire le peuple et également à Jean-Guy Lemelac. Le grand Jagui Lamelac. Je l'ai dit, j'ai dit dès son premier cours, Monsieur Lamelac, là, il faut que je vous parle en catimini avec Cathy, parce que ça va pas du tout. Moi, votre cours, là, moi, c'est la déchéance 101 selon l'Amérique du Nord. Bon, moi, j'ai rien contre la déchéance humaine en Amérique du Nord, mais là, vous amenez pas trop d'éclaircissement là-dedans, là. Le Québécois fait partie de l'Amérique du Nord, là. Est-il en 18 sud? Hein? Les enfants arrêtent-ils leurs études trop tôt? Quand tu as 53 ans, tu finis ton secondaire 1, puis tu finis le bricolage en maternelle. Tu tentes peut-être de repasser, puis de dire, ben, on va peut-être voir autre chose. Non, mais. Quand tu appelles patate avec 3T, tu te tentes de l'éplucher, la patate, pour en enlever des thés. Attends, on enlève. Hein? Non, mais la réalité est plus vite que la friction. Dans mon cas, là, la friction me dépasse. Nous devons interrompre notre émission pour une alerte à la blonde, non à la bombe. Une personne veut nous parler au téléphone. Pas encore le téléphone. On l'a fait tout à l'heure. Alors, on a ici le récidiviste qui appelle partouze pour faire des appels à la blonde. Monsieur? Et monsieur, vous êtes loin, hein? Je pense qu'on est dans une étape de brebis. Êtes-vous une brebis? Vous êtes en train de vous faire tondre? Bon, là, vous dites une alerte à la blonde. Bon, là, ici, il y a une châtaine. Peut-être qu'il y a des fausses blondes. Attendez, on va analyser le cheveu. Moi, je suis capillaire, moi. Ouais, ouais. Vous êtes rigolo? Vous ne digérez pas votre 5 heures? Bon. Il y a une pseudo-blonde ici, là. On ne peut pas vérifier, parce que ce serait de l'harcèlement. Puis, à son rire, on ne peut vraiment pas dire que c'est une blonde, parce que les cheveux ne font absolument rien, aucun changement, à un ricanement. Tu sais, c'est pas parce que tu ris... pas parce que tu égorges le cochon que tu peux dire qu'il rit. Qu'il rit croquette. Mais en même temps, le cochon, c'est un cochon. Il y a un rire de cochon. Puis un serpent, c'est un rire de serpent. Il rit, lui. Bon, arrête de rire à serpent. Vous entendez ça, un rire de rhinocéros? Rire de rhinocéros. c'est un rire de rhinocéros. Voulez-vous qu'on leur fasse? Non, je ne suis pas en train de vomir, là. C'est le rire. Mais vous n'avez pas de connaissance, monsieur, en animalerie. Moi, je suis un zoophile, un zoophobe, un zoophale, un zoophiche. Une fiche, trois mouvements. Mais non, mais là, le dentier tombe. Mais c'est de toute beauté. Non, monsieur. Et puis donc, l'alerte à la blonde, on l'a fait, on va nous exploser, c'est tant mieux. Emporté par... Oh, ça, c'est un côté texte intellectuel, poétique. Emporté par la zone zigzagante des vibrations, où l'action mélodique dirige les mots frénétiques avec ou sans orchestre symphonique, le morceau de choix se déploie comme il se doit. Entouré de public ou en solitaire, rien n'enterre l'effervescence de l'ambiance que de la transe et de l'ambiance. Je viens de me rendre compte que j'ai écrit deux fois ambiance. Alors c'est comme ça qu'on va arrêter l'accoutumance aux rimes. Rime ou prose. On parle avec la vie quand elle nous impose. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques. Mesdames, madame, les voluptés et vos chers résidents et résidentes impudiques. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénalienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. Avec votre court circuiteur de réalisme, Rénal, le néant gagné. Aujourd'hui, le vendredi 14 novembre 2014, les errances rénaldiennes présentent plus de route pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lentes, trop lourdes, les problèmes liés au boulot. Les valises trop lentes. Ouais, on est à l'aéroport. Il y a une valise ici là, qui est beaucoup trop lente. Elle doit renfermer de la dope, de la drogue, de la droge, de la marijuana, la coffrabine, puis la grosse rabine, puis la grosse babine. Puis, ah ouais, igloo, ça renferme quelque chose. Arrête-moi ça, arrête valise. Prends-moi pas pour une valise, toi là, puis décroche. Ah ouais, décroche. On demanderait au FBI de venir ici voir la grosse valise qui prend le transport. Le FBI est demandé ici devant le port. Quel port? Deuxième port, troisième doigt, deuxième deux, troisième. OK, attendez, retournez. Et puis là, le port arrive. Mais non, on a demandé le FBI de venir au port, pas le port de venir au FBI. Écoutez, on l'annule le FBI, puis on appelle l'équipe SWAT. OK, l'équipe soit là. Monsieur Swat, écoutez-moi. Vous êtes habillé comme... c'est l'Halloween? Pour vous donner des bonbons. C'est accostumé comme des beaux Halloween. Oh, regarde-moi ça, ces grands flambeaux là, habillés tout à l'heure. Des lutteurs. Des sumos, vous êtes des sumos. Non, vous êtes maigre. Non, je sais que c'est pas de la graisse. Voyons, c'est des muscles. Pas de la muscle. Pas de l'anus, de l'humus, des gros mus. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ah oui, c'est vrai. Regardez la valise. Là. Et tu t'as, non, mais t'as celle-là, t'as ton goût, toi, là. Vous pouvez examiner ça. Moi, je dis qu'il y a peut-être une grenade. Ça fait tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. C'est vrai que si je ne m'avancerais pas avec ma montre, ça ne serait pas tic-tic. Elle fait fort. Elle n'est pas suisse, parce que la Suisse, elle fait... Puis celle pas chère fait. À part, là. Quand la montre part, l'heure part également. Tu dis, voyons, donc ça a passé comme dans la beurre d'un carrosse. Carrosse de Potechkin de carrosse. Le lien, hein, le film de Potechkin, quand le carrosse descend. des marches. Là, les gens sont affolés. Ah, un carrosse! Puis là, ils se disent dans leur tête, le carrosse, il y a un enfant dans le carrosse. Carrosse, arrête-le, carrosse! Là, tout le monde appelle en pleine nuit. Et puis là, hey, voyons donc, la mitraillette, attention, c'est le chouette. Si vous arrêtez pas le carrosse, on va vous mitrailler. Mais mitraille pas le carrosse, il y a un enfant dans le carrosse. Carrosse, t'as jamais vu le potassier, pas pépine? Pépine, pépine, pas pépine, voyons donc. Quelle insignifiance devant nous ce soir. Mais là, la valise est trop lente, là. Puis le berceau va descendre, puis il n'y aura personne. Là, si tu regardes la reprise, là, le Potemkin de Einstein. Oui, j'aime bien ça, Einstein. Il y a un film cinéma, propagande, propagande Internet, Internet propagande, littérature propagande, musique propagande. La droite et son droite. Yes, c'est de me nourrir. Ouais, la valise, excusez-moi, je suis rentré en transcendantal. J'avais la dentale pas mal dansante. Quand j'ai le mental pas mal dansant, ça me donne la poule ringue, la poule jingue, la poule ningue, ningue. La valise, la valise, la valise. Je sais que c'est deux sœurs, là, puis la valise en carton a l'air pas mal forte. C'est pas du carton, ça, c'est du cuir. Écoute, le vendredi, moi, je suis cuir, là. Je veux pas non plus rentrer dans ma vie personnelle. Mais selon moi, je connais ça, là, la senteur. Sens-moi ça, sens-moi ça, sens-moi ça. Pas moi le cuir, la valise. Hein, ça sent le cuir, hein? Ah, c'est cuir. Ah, oui. Ah, non, j'ai aucune... Ah, non, c'est... non, je me rappelle mes soirées. Là, c'est cuir, hein? J'ai plus les moyens financiers. J'ai tout mis dans le studio ici de CKRL, studio des abeilles. Qui est diffusé à CKRL? J'ai pas dit les studios CKRL, ma bouche l'a dit, mais c'est pas moi qui l'a dit, c'est ma bouche, monsieur le juge. Tout ce que... évacue cette mâchoire n'est pas tributaire de ma pensée. Je suis plusieurs membres qui ne compose qu'un seul individu, mais cet individu... Non, je vais y arriver, Gaétan, fais-tu pas. Cet individu-là... Donc, on comprend pas toujours ce qu'il dit, là. Voyons donc, c'est un pauvre Québécois qui tente de voter, là, Québécois à la mesure du Québec. Et puis, mais en même temps, monsieur, regardez-moi la valise. On revient à sa valise, là. On l'a rejeté le Québec, il n'y en a pas besoin, disons. Quoique, un peu beaucoup personnellement la folie. Mais, ouais, c'est pas tout à fait normal. Ouvrez-moi ça, la valise. Là. Faites-moi sauter ça, faites quelque chose. Là. Mais on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis là, en même temps, quand il n'y a rien à l'intérieur, c'est des doublures, hein, des sous-doublures, dans la fermeture éclair, hein, l'éclair. Ça prend pas l'éclair de Guillaume Bell pour savoir que cette bébelle-là renferme des choses qui ne doivent pas passer aux douanes. Hein? Alors, moi, ça sent bizarre. Hein? Ça sent le cuir, ah oui. Excusez-moi, on dirait que c'est le 30 du vendredi. Ah, le cuir. Ça sent le bas. C'est bien le cuir. On aime ça. Mais on aime aussi dire qu'aujourd'hui, le vendredi 14 novembre 2014, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Parce que oui, toi, même toi. Nous sommes heureux de te sentir parmi nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes... OK, vous voulez que je fasse le fuck? On y va. OK, c'est fait. Mettez 25 cents dans le coffre de CKRL là, pour seul le radio-ton à venir. Là, bon. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du musicien Nicolas Shelley. Du groupe de rock du collège à l'orchestre de bal monté avec des amis d'alors, la base a été omniprésente dans sa vie. Depuis son enfance, la contrebasse l'a séduit grâce à Georges Brassens et Pierre Nicolas, son fidèle bassiste. Il rencontre le pianiste et compositeur Éric Alouche, qui devient son ami et lui permet d'accompagner des chanteurs à texte,

Zildjian. Oh, Raymond Zildjian. Raymond Zildjian. Raymond, oui, je le sais, mais Raymond Zildjian. OK, merci. Excusez-moi. Mais je ris parce que je ne veux pas pleurer. Mon sujet est très épineux. Puis je parlais à ma maman qui est à l'hôpital. Puis elle me disait, parce qu'on l'a accueilli dans une maison, dans un centre de transition avant de l'amener dans un endroit pour personnes âgées qui pourra s'occuper mieux d'elle que nous dans son état actuel. Et je reviens moi-même parce que c'est un moment quand même assez touchant. Elle me dit, c'est pas une vraie fleur hein, qui est dans le pot avec de l'eau. Elle dit, c'est pas une vraie rose. J'ai dit, ben oui, maman. Alors là, non, je l'ai regardée, puis ça fait longtemps qu'elle est là. Puis j'ai dit, on va vérifier. Alors je lève la tige et il y avait les épines de la rose. Et je lui indique fortement, maman, c'est une vraie rose. Là, je la sens. Pas ma mère, mais la rose. Je dis, ça sent la rose, man. Donc, man, ça sent la rose, man. Et donc, elle me dit, oui, mais ça fait longtemps qu'elle est là. Mais pas vraiment. Ben ouais, ça fait au moins 2-3 semaines. Mais maman, t'es arrivé mercredi, puis on est vendredi. Je dis, oui. C'est une fleur qu'ils t'ont remis pour t'accueillir. Mais pauvre petite maman, elle l'a pas vue parce que dans sa condition actuelle, n'importe quelle personne qui souffre de cette maladie-là ne pourrait pas voir la rose et le petit clin d'œil qu'on a voulu lui faire, ce petit baiser au cœur. Mais je lui ai montré, lorsque le tumulte était passé, c'est-à-dire tous les intervenants, pour enfin être calme devant la tempête 2 jours après et calmement, paisiblement, discuter avec pour en arriver souvent à un discours qui frôle, malheureusement, le désenchantement de sa part dans sa condition actuelle. Quand tu ne te souviens plus de ce qui s'est passé il y a quelques minutes et ton passé se trouble, ben c'est pas facile pour personne, encore moins pour la personne qui le vit. Et si on doit se mettre souvent, on devrait se mettre souvent dans ces... dans cette vision-là des gens malades. Puis arrêter de dire, non, ça va bien, voyons. Oui, on peut les divertir, on peut chanter, on peut être heureux, rire, mais surtout lorsque quelqu'un entre dans un hôpital ou un centre pour personnes âgées, leur dire ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'ils sont coupés. Souvent, ils n'iront jamais les journaux. Ma mère n'écoute plus la radio depuis 4-5 ans. N'écoute plus la télévision depuis 3-4 ans. Quand tu n'es plus capable de suivre l'émission, tu ne te souviens plus 2 minutes après qui a parlé. Puis bon, alors pour toi, c'est difficile. Mais ce qui est important, c'est toujours rester présent avec l'être aimé et lui rendre compte des événements, même si pour elle, c'est éloigné. À sa manière, dans la tranquillité de ce qu'elle peut absorber. Les attentats, je lui en ai pas encore glissé un mot, mais lorsque peut-être elle trouvera en elle des petits problèmes techniques, j'ai chaud, j'ai froid, bon. Hey, maman, c'est tout ce qui s'est passé à Québec, bon, au Québec, même si c'est pas au Québec, c'est au Canada, ça nous intéresse pas. C'est ça, la vie. La vie! Bon, le mot que je voulais mettre, c'est dignité. On revient à quelque chose de rigolo, là, la dignité. Les gens les plus indignes ont peut-être leur place dans la société parce qu'ils sont les fous du roi. Puis à une certaine époque, on les tuait, les fous qui faisaient plus rire. Heureusement qu'on m'a pas tué parce que ça faisait au moins 3-4 ans que je serais décédé. Quand tu décèdes, tu meurs, hein? Quand tu meurs, tu reviens plus, puis attention, là, les gens qui... J'entends souvent ça, même j'allais au ciel. Arrêtez de vouloir aller au ciel. Il n'y a plus de place, c'est fermé, c'est guichet fermé. C'est bourré. En enfer, il n'y a plus, il n'y a rien, il n'y a plus, absolument rien. Les limbes, ça n'existe plus. Ils ont barré ça, ils ont mis des cadenas, il n'y a plus de limbes. Alors, plus de place au ciel, plus de place en enfer. Les limbes, c'est fini. On va-tu rester sur la terre jusqu'à la fin de nos jours? J'espère que non. Là, on m'a dit, on va te mettre au monde, toi, là, mais heureusement, tu vas mourir. Fait que pendant ce temps-là, là, garnis ça de beauté, de volupté, d'extravagance. Dis des phrases qui n'ont pas de sens ou qui ont un sens unique, bidirectionnel, tridimensionnel. Excite ton peuple. Dis bonjour en toutes les langues. Hello. Hello. Hello. Alors ça, c'est à toutes les voix. Mais en tout cas, dis des bonjours. En sourd-muet. En sourd. Puis en muet. Avez-vous remarqué? Il y a une différence entre en sourd. Puis en muet. Moi, excusez-moi, là. J'aimerais intervenir, puisque la dignité vient de se perdre à cet instant. Comment ça? Ben ouais, non. Non. Excusez-moi. Hey, mon loup, il y a du jus là-dedans. C'est du jus d'érant. Du jus d'érant, des pâtes grecques et des cheveux de catoban. C'est quoi ça? Ça, c'est ma version de la métèque. J'ai été surpris en parlant de métèque, parce que je veux atterrir sur Moustaki. Attention, l'avion qui est en partance du Québec atterrira sur Georges Moustaki dans 2 secondes. Une seconde. Et les roues ont touché Georges Moustaki. C'est terminé, Georges Moustaki. L'avion est atterri. Oh! Okay. Et Georges Moustaki, qui est un ami, je croyais pas ça, là. T'as des vedettes que tu suis, que t'aimes, que t'adores, t'écoutes, tu connais toutes les paroles. Brigitte Fontaine, ah, oh, Brigitte, t'apprendras jamais l'avion, elle aime pas l'avion. On la verra jamais à Québec, au Québec. Elle dépassera pas plus la France, la Belgique et toute cette avenue-là pour ne pas voler dans une canne. À la Andy Warhol, on ne nommera pas la canne, là, la soupe Bumble, elle veut pas voler dans une cacane Bumble pour arriver au Québec. Elle a peur de la Bumble parce que la Bumble peut débambouler. Et si elle débambule, elle va mourir. Elle ne veut peut-être pas mourir. Moi, je voudrais bien lui poser la question, mais j'ai peur, pas de la réponse, mais de l'accueil de ma question. Brigitte Fontaine est un ouragan. Comme un ouragan qui est tombé sur moi. Non, un ouragan, là. Un ouragan, la guerre, là. Quand elle s'emporte, c'est fini, elle ne peut pas s'emporter, là. Tu dois lui dire, calme-toi. Elle peut partir, en tout temps. Elle est libre, la femme la plus libre au monde, Brigitte Fontaine. Je ne pensais pas qu'elle était l'amie de Georges Moustaki. Celui qui fait... Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâte grecque, et mes cheveux aux quatre vents. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu sans jamais s'assouvir sa faim. Avec mon cœur qui a souffert, souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire d'histoire. Avec mon corps qui a bu la moindre chance du salut pour éviter le purgatoire. Brigitte Fontaine est une amie de Georges Moustaki. Je l'ai appris dans son documentaire qui s'intitule. Elle a juste un documentaire, en tout cas, que je regarderai encore aujourd'hui parce que je me suis égaré la semaine dernière en visualisant cette œuvre, puisque on a sonné à la porte. Ding-dong! Amandou, viens-t'en, mon cuir, ma cuirette, ma petite cuirette d'amour, viens-t'en aussi. Tout le monde, à soir, on va chanter! Sitting in the dark and ponder how I'm fit to make the bottom fall to the floor, and they all fall down. Yeah. It goes. Out of the shadows, barrage of witch tongue, cobras spit over apocalyptic cult, killer cauldron, smoke, stop music, seriously. Yeah. It goes. Can't stop the groove, looks jaws clear off them locks. Relentless raw movement for the knock. Meter that G-spot body rock connected. To everything you want, ever did want. We got it, why not? Come get us together in that hole and watch me drop this cold guillotine descent. Yeah. It goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it goes, it

au ciel de pierre. Mister, mister. Qui veut la chair glaciale et claire? Mister, mister. Aime l'éclair fondant la terre. Mister, mister. A des posters de sa grand-mère. Tu gardes ton mystère, mystère. Mystère, mystère. Parcours les mers et les déserts. Mystère, mystère. Jambes de fer et œil de verre. Clame des vers dans les water. Mystère, mystère. Tu gardes ton mystère, mystère. On continue l'émission à l'instant, la preuve. Over a shower, over a shower, over a shower, over a shower. Now you're meeting up, I'm blowing sour.